Schicke alter Jürgen einer Kitte nach dem Part. Hey, ring die Alarm, hey, wow. Put a smile on your face. Schicke alter Jürgen einer Kitte nach dem Part. This is a sound man session, come follow me. Sound man session, this is a sound man session. Et bonsoir Montpellier, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous écoutez Campus Hi-Fi, c'est notre quatrième émission, émission du mois de décembre. Alors petite équipe, ce soir Yanis n'est pas là, on lui fait un gros big up. Mais big up à Yanis. On est avec Ludo que vous venez d'entendre, ça va Ludo? Ça va et toi? Bah ça va, écoute. Donc, Romain, peut-être? Et bah ça va aussi. Super. Bah super. Alors du coup, au programme de cette émission, bon on va la jouer plutôt tranquillou. On va parler, on va faire un petit point agenda, on va parler des sorties comme d'habitude du mois de décembre justement. On va revenir sur le concert de Tetrahydroca qu'on a eu l'occasion de voir à Victoire 2. On a eu l'occasion d'interviewer Tetrahydroca, ce sera tout à l'heure dans l'émission. Mais avant ça, on va passer à une petite chronique reggae. Alors vous avez sans doute vu passer la nouvelle, le mercredi 28 novembre, le reggae a été inscrit au patrimoine culturel de l'humanité par un comité spécialisé de l'UNESCO réuni à l'île Maurice. L'UNESCO a souligné la contribution de cette musique jamaïcaine à la prise de conscience internationale sur les questions d'injustice, de résistance, d'amour et d'humanité, et sa dimension à la fois cérébrale, sociopolitique, sensuelle et spirituelle. Du coup je vous propose un flashback de l'histoire du reggae jamaïcain. On part à Kingstown. Alors avant que le reggae ne se développe en tant que tel, il y a d'abord eu un long cheminement commencé avec la musique traditionnelle jamaïcaine, le mento. Puis dès l'indépendance de l'île en 1962, le ska voit le jour, influencé par les musiques traditionnelles, mais aussi par des musiques américaines comme le jazz, la soul et le rhythm and blues. Il se caractérise par un rythme rapide et une musique plutôt joyeuse, symbolisant l'euphorie de l'indépendance. Il a une spécificité bien jamaïcaine, le contre-temps, c'est-à-dire le riff entre les temps que les musiciens jamaïcains accentuent par un coup de guitare, de piano ou de cuivre qu'on appelle communément le ska, qu'on en a déjà parlé dans la première émission. Puis dans la seconde moitié des années 60, le ska évolue en rocksteady avec des rythmes qui ralentissent et dès 1968, on commence à entendre les premières sonorités de ce que sera le reggae avec des morceaux comme Natty Goat de Larry Marshall ou encore Bangarang de Stranger Call et Lester Sterling. On n'est pas sûr du tout de l'origine du mot reggae, il dériverait de l'anglais regular people, gens du peuple. D'autres sources indiquent qu'il vient de l'argot jamaïcain straggae, qui veut dire femme facile. Par contre, une chose qui est sûre, c'est que le terme reggae a été utilisé pour la première fois dans la chanson 12 Reggae, sortie en 1968 et écrite par Toots, leader du groupe The Maytals. Cette première phase d'évolution du reggae, qu'on appelle early reggae, est caractérisée par un tempo plutôt rapide et l'accélération du skank déjà présent avec le ska et le rocksteady. Puis le tempo ralentira et la basse se fera de plus en plus lourde, mais il gardera toujours cette base rythmique basse-batterie prédominante. Le reggae est né donc dans un contexte de forte émulsion entre petits producteurs de musique et il n'y a pas de major sur l'île, les studios d'enregistrement se comptaient par centaines et étaient montés par des particuliers. Des morceaux étaient enregistrés quotidiennement. Parmi les plus grands producteurs, on peut citer Bunny Lee, Sir Coxon et bien sûr Lee Scratch Perry, propriétaire du Black Ark Studio, un des producteurs les plus en avance de son époque. C'était un super ingénieur de son qui réussissait avec du vieux matériel d'enregistrement à faire mieux que le matériel dernier cri de ses concurrents. Beaucoup de classiques du reggae sont sortis de son studio, surtout dans les années 70. Il a notamment travaillé avec le Messi du reggae entre 1969 et 1978. Messi du reggae qui n'est autre que Bob Marley, qui a été et demeure le principal ambassadeur du genre, bien au-delà des frontières jamaïcaines. Même si, en 1974, c'est surtout la reprise du morceau « I Shot the Sheriff » par Eric Clapton qui se classa au sommet des hit-parades anglais et fit connaître le reggae au grand public britannique. Il était jusque-là connu uniquement par la jeunesse ouvrière de Londres qui vivait dans les mêmes quartiers que la communauté jamaïcaine et qui, indissociablement, écoutait du reggae. Bob Marley permit à la fois la révélation du reggae, mais aussi celle du rastafarisme, bien sûr. Les deux sont intimement liés, le rastafarisme existe depuis les années 30 en Jamaïque. Cette musique a permis au mouvement de faire passer les messages de paix, d'amour, de cannabis et de ganja, qu'ils considèrent comme une herbe sacrée. Ils définissent surtout le reggae comme la musique du peuple opprimé, faisant référence à l'esclavage, et donc, contrairement au ska, les textes sont engagés. Bob Marley disait à propos du reggae, « Le ska est rapide, le rocksteady est doux, et le reggae est dur. » Fallen fighters, rise and take your stance again. Is he who fight and run away, live to fight another day. Put the heathen back, yeah, on the wall. Put the heathen back, yeah, on the wall. Put the heathen back, yeah, on the wall. Put the heathen back, yeah, on the wall. L'histoire du reggae est indissociable de celle des sound systems. Comparable à la sonomobile, le sound system désigne à la fois le matériel utilisé, l'équipe qui l'anime et la soirée en elle-même. Toutes les musiques produites en Jamaïque sont diffusées en sound system et les disques jockeys animent les danses depuis les années 50. Les DJ, terme qui deviendra MC dans le hip-hop, ils pratiquent ce qu'on appelle le toasting, un mélange entre rap et chant pour introduire les morceaux qui sont choisis et enchaînés par les selecta. On ne peut pas parler de sound system sans parler de dub, bien évidemment. Technique de mixage du reggae rajoutant beaucoup d'effets de réverbération et d'écho sur le son, c'est l'œuvre d'ingénieurs du son tels que King Tubby ou encore Prince Jammy. Ces morceaux dub seront instrumentaux et se retrouveront en face B des vinyles et seront joués dans les sound systems. On peut citer notamment parmi les plus célèbres sound systems ceux de Sir Coxon, Studio One, ou celui de Duke Red, Trojan Sound System. Je vous propose un extrait d'une session sound system dans les années 70 en Jamaïque, c'est le Jack Ruby High Power Sound System, où on entend le DJ toaster sur une version dub. Nobody take me fi no looking glass. Hey, nobody take me fi no looking glass. How about me say, hey, me say me jukes in a me hand when I plan fi go abroad. Say Bobby come and tell me say and dance pon the corner. Take off me cap, me have to put it on back. Take off me shirt, me have to put it on back. Take off me pants, me have to put it on back. Me jump in a dance and a dirty Bobby sock because I dance pon the corner. La culture reggae sound system jamaïcaine a influencé beaucoup de milieux, pardon, du hip-hop aux musiques électroniques. On attribue par exemple la première utilisation du sampling, le fait de sélectionner une partie d'un morceau pour le jouer dans un autre morceau, à Lee Scratch Perry dont je parlais tout à l'heure. La technique du toasting a également été précurseur du rap. Aujourd'hui, le reggae, c'est une musique universelle, comme le souhaitait Bob Marley. Elle s'est d'abord mondialisée, puis a été appropriée à chaque coin du monde. On retrouve des festivals de reggae et des soirées sound system sur tous les continents. Et je vous propose, pour terminer cette chronique, d'écouter un bon petit morceau de reggae qui met de bonne humeur. C'est un morceau de Winston Fergus, ça s'appelle « Long Time ». To be a rasta man, De retour sur Campus Hi-Fi, l'émission Dub et Sound System de Radio Campus Montpellier. À l'instant, cette petite chronique pour parler du reggae qui est quand même au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. C'est une belle chose quand même. Effectivement. Et surtout, c'est mérité. Bien sûr. Mérité en effet. Et du coup, ils ont passé un morceau de Bob Marley, je sais plus lequel, au siège des Nations Unies. J'ai vu la vidéo où tu vois tous ces bureaucrates, entre guillemets, t'es là et qui dansaient sur du Bob Marley. Romain, du coup, t'es venu avec quelques nouveautés, quelques morceaux du mois. Exactement, ouais. À commencer par Carabas Sound System, qui a sorti un album nommé Cosmic Dub, sorti du coup chez Marée Basse. Et pour vous donner une idée, ça donne à peu près ça. Voilà donc pour un petit extrait de cet album Cosmic Dub, et c'est un album qui comporte 7 titres dont une bonne partie sont ponctués de sonorités rock grâce à la guitare électrique et même des rythmes de basse qui nous donnent un mélange à la fois planant et dansant. Je vous propose donc d'illustrer tout ça par une musique qui pour moi est magique et je vous laisse écouter. Comment s'appelle cette musique ? Thank you. Voilà, c'était Waters on Dub, Off Dub, pardon, sorti chez Marée Basse pour l'IP pardon, de Carabas Sound System nommé Cosmic Dub. On continue avec ses sorties, et notamment toujours chez la même boîte de prod, donc Marée Basse, avec la sortie d'un album de Mental Distortion. L'album s'appelle Moon, et il est composé de 10 morceaux, et on peut d'ailleurs en écouter un petit, il s'appelle Éclosion, et je vous laisse. Est-ce que Mental Distortion c'est aussi vénère que Crystal Distortion ou pas? Je m'attendais à ce que Ludo fasse une petite réflexion là-dessus. Mais... ça sonne bien, Mental, tout ça, Distortion, ben, on s'y retrouve aisément. Je vous laisse écouter, en tout cas, à vous de vous faire votre avis. We'll be right back. Voilà, c'était donc Éclosion, un morceau tiré de l'album Moon de Mental Distortion. Vous en avez pensé quoi alors ? C'est bien bien sympa, hein. Très atmosphérique, très planant. Il porte bien son nom. Exactement, ouais. L'album est sorti du coup il y a 15 jours à peu près sur Maribas Prod. Vous pouvez retrouver cet album du coup sur leur SoundCloud en free téléchargement. Et on va continuer avec les sorties de Maribas, avec la sortie de l'album de Isodub nommé Insubordination. Et je vous propose du coup un extrait musical qui s'appelle God's Mother Dub. Voilà, c'était donc God Mother Dub, issu de l'album Insubordination de Isodub. En fait, cet album a été composé par un des deux MC du groupe, qui s'appelle Redwood, et on pourra retrouver donc 7 titres, donc c'est plus un IP qu'un album d'ailleurs, 7 titres sur le label donc Maribas Productions, à écouter sur SoundCloud, et je vous invite donc à aller regarder tout ça, parce qu'il y a vraiment des petites pépites. Il y a toujours des pépites chez Maribas. Bien sûr, ouais. Et pas que chez eux d'ailleurs. Bien sûr. Et d'ailleurs, pour vous prouver ça, on passe sur un autre label, à savoir ODG Prod, dont on est plutôt habitué maintenant à écouter. C'est la référence française. Ah, ça, carrément. Hein. Et il y a du coup un petit IP, je vous dis petit parce qu'il n'y a que trois morceaux là-dedans, qui est une sortie de Ouzoul. Ouzoul qui est un des membres du groupe emblématique Kali Life Dub, dont on parlait d'ailleurs la dernière fois. Hein. Ça va être dur de passer à côté de ce groupe quand on fait une émission de dub, forcément. Et l'album, l'IP s'appelle Back in Dub. Et du coup, il y a trois morceaux là-dedans et je vous propose d'en écouter un qui s'appelle Rub a Dubber. Et c'est pour le plaisir de vos oreilles sur Campus Hi-Fi. Voici donc un des morceaux de l'album de Ouzoul, Back in Dub, et on pourra retrouver donc sur les trois autres, enfin le premier des trois autres en tout cas sera est une collab avec Sir Jean, Et cette version a été refaite en version dub. Pour continuer cette fois une sortie bien attendue, encore une fois. Une grosse sortie, voilà, c'est une le huitième album. Sur un album. Exactement, le huitième album du dubber de Rouen, et je parle évidemment de Kanka. Son album s'appelle Interaction. Je vous propose donc d'en écouter un extrait, enfin un extrait, même un morceau, puisque on va l'écouter entièrement et il s'appelle Mélodie. Un album de 10 titres sorti chez ODG. Et l'album s'appelle Interaction et c'est donc Kanka. Je vous laisse aller le découvrir en intégralité sur leur SoundCloud. Il faut aller le découvrir. Évidemment, c'est inévitable. Kanka, c'est vraiment la référence. D'ailleurs, il passe au mois de mars, je crois. Un petit teasing sur l'agenda. Mais, exactement, sur un Massif Corner, si je dis pas de conneries. C'est ça, au Mas des Lozières, sur la sono des Welders. Et ça, ce sera une soirée à ne pas louper. Ouais, Kanka, c'est vraiment... Ouais, et puis vraiment... les Welders aussi, c'est vrai que ça fait un bon combo pour une soirée magique. On continue dans, dans les sorties. Hein. Avec un remix de Koewa Dub System. Et le morceau que nous allons écouter s'appelle Springtime. C'est un remix de Wobbedub. Cause it's too cold to go on the outside. Too cold to go out. So I rewarm my old coffee and light up another cigarette. Thank you. Voilà pour la suite. On a donc l'album Wishes and Delusion de Raccoon. Raccoon qui signe son 7e album avec 11 titres aux sonorités bien typiques de l'artiste. On va retrouver encore ses sons de guitare électrique, de synthé. Et l'album, il oscille. Le tout dans une atmosphère trance. Un exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est qu'il oscille entre de la trance, de l'électro, du dub, de la techno aussi. C'est vraiment un mélange vachement atypique et bien propre à Raccoon et qui a encore évolué dans son style, on le remarque quand même. À travers tous ses albums, ça commence à faire cet album et là il part, ouais, enfin sur cet album en tout cas, on sent vraiment une influence vachement techno et électronique encore plus que dub, parce qu'on a quand même certains morceaux où il n'y a même plus de skank. Je vous laisse. Tant que c'est pas du dub, dirait Mahom. Exactement. Chacun sa vision après. Dans cet album, pardon, on retrouve une seule collab, mais qui vaut le coup d'être entendue, puisqu'elle est avec Tetrahydroca. Et cette collab s'appelle. Enfin, le morceau issu de cette collab s'appelle Nougatine. Je vous propose de l'écouter. Thank you. Voilà pour les sorties jusqu'à aujourd'hui. Je vous laisse aller découvrir tout ça sur le site d'ODG Prod et de Marée Basse. On peut également retrouver tous ces albums sur leur SoundCloud. Ils sont en téléchargement libre, gratuit. Du coup, régalez-vous, faites-vous plaisir, allez écouter tout ça parce que ça vaut vraiment le détour. On passe à la suite de l'émission avec la suite. Yes, aïe, alors du coup, tu parlais de... Enfin, on a écouté à l'instant un morceau de Tetrahydrokai, ça fait une transition parfaite, comme je disais en début d'émission. C'était le vendredi 1er décembre, on s'est rendu tous les trois à la soirée Full Dawa à Victoire 2, organisée par l'association Kamea et Regard Asso. Au cours de cette soirée, du coup, c'était Tetrahydrokai et La Petite Fumée. On a aussi eu Messire qui assurait les transitions entre les scènes, et Travelson qui nous ont fait un beau warm-up, big up à eux. Et du coup, on a pu rencontrer Tetrahydrokai et leur poser quelques questions. Je vous propose d'écouter l'interview de suite. Avec les docteurs Kanaï et Krilong, yes, plus connus sous le nom de Tetrahydrokai, auteurs d'expérimentations acoustiques dans leur laboratoire. Alors, du coup, avant de commencer, tout ce délire Tetrahydrokai et vos noms de docteurs, de chercheurs, ça vient d'où? Alors... En gros, en fait, le Tetrahydrokai, ça vient. Bon, on a galéré à trouver un nom. Hein, tu sais, quand tu cherches un groupe comme ça, c'est pas facile. Et en fait, on fait plein de pétards et on s'est dit le tétrahydrocannabinol, en fait, qui est la molécule active du cannabis, c'était pas mal comme truc. Sauf que c'est un peu long à écrire et puis ça fait un peu trop flag d'afficher tétrahydrocannabinol sur un fly, tu vois. Et en fait, nos surnoms respectifs, qui sont Canaille et Krilong, écrit avec un K. Du coup, on a juste remplacé le cannabinol par un K et c'est devenu Tetrahydrokai. Voilà, pour l'histoire. Non, ouais, puis c'est aussi surtout le fait que notre identité visuelle, si tu regardes toutes nos pochettes d'albums, c'est toujours la graphiste Gargameli qui nous a fait ça. Et dès le début, elle est partie un peu dans ce délire de petits personnages dans le pseudo-laboratoire sur Dirty Wawash. Et on y avait laissé carte blanche pour faire la pochette du premier EP qu'on sortait. Puis qu'on avait bien aimé son œuvre, on lui a dit bah vas-y, continue, fais l'évolution. On a toujours bossé avec elle et on... Je sais pas, petit à petit en fait, ça c'est venu tout seul avec ces petits personnages qui tripaient à faire des expériences. Le nom du truc, Pong qui lui travaille dans la physique à côté. C'était un délire qui est venu tout seul. Pareil, après on a fait notre... le lab pour Tetrahydrolab. Donc c'est Tetrahydrokai avec le laboratoire en mapping. Et c'est venu tout seul en fait, quand on a bossé avec les Neshisoup qui eux font la partie scénographie et vidéo, ils sont directement inspirés des visuels et ils ont remis en forme les visuels et ça faisait direct un laboratoire, donc on a... L'idée du laboratoire va rester du coup, on trouve ça cool. Puis je trouve ça important, tu sais, d'avoir une image, tu sais, quelque chose... comme quand t'écoutes le dub français, t'écoutes un morceau de Panda, tu sais que c'est Panda, t'écoutes Mahom, tu sais que c'est Mahom. Bah nous, tu vois une de nos pochettes d'albums, tu sais que c'est Tetrahydrokai. Ça crée une identité, ouais. Clairement. Ah oui, c'est du merchandising, tout à fait. C'est le commerce, c'est l'argent, c'est le profit. Ah tu sais, mon frère, le reggae, le reggae dub, c'est ta business. On va bientôt vendre des fioles dans les labos. Ah oui, on a déjà vendu. Pas dans la mette. Non, tu te... Donc, du coup, Tetrahydrokai, c'est la rencontre de deux univers un peu différents. Krilong, toi, tu es d'une formation musicale? C'est ça, ma formation conservatoire, même classique à la base, on m'a forcé à faire du classique, quelle horreur. En famille. Et plus du jazz après, enfin tout ce qui se joue au saxophone en fait, qui est trippant à faire avec ça. Puis je fais un peu du piano aussi pour m'amuser sur le côté. Et voilà, formation assez académique, on va dire. Et puis le docteur Canaille à côté de moi. Moi j'ai étudié à l'académie Free Party. On sait qu'il fallait faire poum poum sur plein d'enceintes. Et... Puis du coup c'était trop bien parce que la rencontre des deux, t'avais à la fois le côté solfège, bien écrire les choses, Puis le côté teuf, le côté de la transe de la musique, c'est où tu prends les gens dans une boucle folle et tu leur manges le cerveau. Et souvent, les gens nous disent qu'ils le retrouvent dans le son de THK où t'as un côté vraiment mélodique, presque musique de film harmonieux et tout, puis un côté boum boum, enfin super dansant, super efficace, groovy et tout. Et du coup, c'est ça vient un peu de. Vachement tribal. De cette histoire-là. Enfin, ouais, aussi. Et du coup, comment vous êtes rencontrés, comment ces deux univers musicaux ont fusionné pour donner Tetrahydrocan? En fait, en gros, on s'est rencontrés de manière infortune, mais les choses se faisant bien, en fait, on s'est rencontrés un soir dans une after. Et, ah, toi, tu fais du dub, ah, bah, moi aussi, je fais du dub, viens, on essaie d'en faire ensemble. Bon, 20 jours après la maison. Et puis, deux jours après, je descendais passer le week-end chez lui, puis on a commencé à faire du son ensemble. Et après, on se voyait tout le temps pour faire du son et... Enfin, ça s'est fait naturellement en fait, on s'est jamais dit viens on fait un truc. Puis c'était plus bien, assez trop cool ce qu'on a fait, on se revoit le week-end prochain, ouais, on continue. Et ce qui était assez drôle, c'est que les deux on connaissait le dub à la base, on adorait ça et tout, c'était une passion. Et en fait, le dub, c'est un terrain de jeu aussi où tu peux mélanger beaucoup d'univers. C'est un style de musique qui est vraiment assez simple et que tu peux mixer avec tout ce que tu veux, quoi. Genre, tu dis du classique, bah du classique, tu peux pas mélanger du classique avec je sais pas, de la grosse électro, enfin, quoi qu'il y en a qui le font quand même, mais il y a des trucs qui s'y prêtent plus ou moins. Le dub, ça se prête super bien à tous les mélanges. Et bah, du coup, nous, avec deux univers différents, bah ça... Un mélange parfait. Fusion. Alors justement, par rapport à ces deux univers, tout ça, comment est-ce que vous définiriez le son Tetrahydrocan? Ça dépend de la soirée, ça dépend de l'humeur. C'est un truc, je sais que les labels aiment bien faire, poser des petites cases avec un genre de musique, tout, et puis on n'est pas là-dedans. Et c'est comme si je te demande d'essayer de définir Gorillaz, par exemple, tu vois. Ils ont plein de styles de musique différents, bah nous c'est pareil, on fait les trucs qu'on aime bien, donc ça part dans tous les styles de musique. Après la base, la grosse base est dans le dub effectivement, mais on aime bien partir un peu dans plein de trucs. Puis tout dépend aussi d'où on va revenir, par exemple on va revenir d'un festival de 3 jours de Sound System, bah, dans nos têtes on va se dire « oh putain ça c'était trop cool, on peut essayer de prendre des trucs un peu là », et puis tu reviens d'une semaine à Berlin, bah tu fais de la techno. Du coup, bah, tu peux tout mélanger, et puis faut prendre toutes les influences ou tout ce qu'on kiffe. T'es pas cantonné, parce que souvent dans l'électro, ce qui te cantonne un peu, c'est les tempos. Par exemple, tu vas prendre la drum and bass, c'est toujours 170, 180, enfin des choses un peu comme ça. Le dub, t'as un morceau de dub, il peut être à 70, un autre morceau de dub à 180, enfin tu sais, t'as tout le spectre qui est possible. Du coup, n'importe quoi peut caler. Et du coup, à définir, bah, c'est pas évident pour répondre à ta question. C'est base dub, bah, c'était pas, mais on peut dire c'était pas. Bon, on aime bien quand ça fait boum boum, puis on aime bien quand les gens ils ferment les yeux, ils voyagent. On aime bien le techno, on aime bien ce qui est un peu trance, on aime bien la bande de bass. Préférez jouer le sound system ou la scène? Bah, les deux sont super intéressantes et les deux ont des avantages que l'un n'aura pas et vice versa. Du coup, jouer sur scène c'est trop bien parce que c'est trop confort et t'as vraiment le son que tu veux en face, etc. Enfin, je sais pas, c'est. Puis par rapport au public, t'as une connexion que t'as pas avec le sound system, mais le sound system aussi. Le fait de jouer à ras du sol avec les gens juste devant toi, c'est fou aussi, mais. Bah, en fonction de la sono sur laquelle tu joues, tu auras un son plus ou moins typé ou plus ou moins cool. Ouais, c'est des configs vraiment différentes et pour le coup, c'est même des lives complètement différents. Puis même Cyril, il joue pas en son système. Coup, moi, au saxo, j'en fais de moins en moins des sound systems parce que je me suis pas super trouvé là-dedans, dans le côté live, à jouer là-dedans. C'est cool de faire des feats sur une ou deux musiques, tu vois. C'est génial, t'arrives au sax, ça défonce tout, quoi. Mais faire un live entier comme on peut faire sur scène, ça, je me sens moins dans ce délire-là. Mais du coup, c'est vrai que ton sound system, du coup, tu joues beaucoup avec Shiva et City, qui sont des brainless sound system, enfin qui viennent du brainless sound system, eux qui sont purement de cet univers-là, quoi, qui chantent par-dessus, et c'est un live qui est vraiment interprété différemment, quoi. Comme il y avait eu à Frontignan, qui est tout aussi bien, enfin. Ouais, c'est ça, ça change. Et moi, j'aime bien jouer les deux, parce que les deux sont intéressants. C'est différent, c'est les mêmes pistes, rejouées différemment, réinterprétées différemment. C'est ça. Puis tu joues pas pareil en face des enceintes que. C'est notre ambiance. C'est une autre ambiance. Mm-hmm. Mais il y a des moments fous, genre le reggae Senska, c'était complètement gogol. C'est tout cassé, ouais. Il y a pas longtemps, on était à Munich sur Elemental Wave Sound System, j'ai jamais entendu des basses comme ça dans toute ma vie, c'était psychopathe. Mais t'es un peu en enseignant encore. Ouais, c'était fou. Hey, il y a une collaboration avec Brainless qui arrive là à la fin du mois. Ouais, et ben on a fini ça il y a deux jours. Enfin, c'est fini. Tout frais. On a envoyé au mixage, enfin, au studio pour la post-prod quoi. Et ouais, c'est tout. Il y a 7 pistes, du coup on peut le dire pour l'instant. Et donc cette piste c'est tout fraîcheur. Ça sort le 17 décembre chez ODG Prod. C'est ça. En free download, tout ça. Donc vous aurez. Il y aura un vinyle aussi. Il y aura un vinyle, vous l'aurez. Enfin, il y aura ce clou, il y aura un téléchargement gratuit, il y aura tout. Et puis après là on va en résidence 3 jours, 10, 11, 12 décembre avec eux pour préparer le live. Mmh. Et premier live au Transball 21 décembre à Lyon. Et ça va être la folie de tous les enfers, je pense. Du coup là c'est THK sur scène. Donc pas la config sur scène, mais sur scène avec les chanteurs et puis en plus Théo, les Brainless à la guitare, aux machines, au saxophone. Gourou qui fait de la gratte, nous on peut faire les deux sax aussi, enfin il y a le Moog en plus, c'est les grosses configs, enfin, ça va être méga live quoi. Mais c'est trop cool, en tout cas c'était un pur plaisir de faire du son avec Théo et ça s'est fait tout seul en fait. On s'est vu, enfin on s'est souvent croisé avec Exoria parce que Brainless Exoria c'est lié, THK Exoria c'est lié, donc on était toujours là, viens, on fasse du son ensemble, ouais, c'est cool, ça pourrait être cool. Et il est venu une fois, il est resté 3 jours, et après, toutes les semaines, il était là. Et... ou non, avec qui vous n'avez pas encore travaillé, avec lesquels vous aimeriez travailler justement. Il y en a plein. Là, on a eu récemment l'Aïe Kali Live Dub, c'était cool de les remixer aussi. L'iTunes avait fait pareil avec les compil Afterwork. On a fait les lives avec Wubi Dub, avec Laum aussi. Il y a eu les Wubi Dub. Il y a un prochain qui va arriver, mais je ne dis rien. C'est sacré. Ouais, non, puis après, en fait, c'est tout ce fait. C'est le dub, ça se fait, ça, c'est toujours doué. Si, il y a dans l'album de Raccoon, il y aura un morceau qu'on a fait ensemble. Oui, exact. Raccoon, qui est venu à la maison deux semaines. Qui sort dans 10 jours aussi, le Raccoon, là, d'ailleurs. Donc il y aura notre piste dedans. Et ça, c'est pareil, c'est Lucas, un jour, il nous a envoyé un mail en mode, bon, les gars, ça vous dit, un jour, on fait un morceau. Je lui dis, bah vas-y, regarde ton agenda, tu viens quand, tu viens, ok. C'est comme ça que ça se fait au final. Souvent, tu parles, tu dis, vas-y, on fait un truc ensemble, mais. De temps en temps, il y en a un qui appelle ou qui envoie un mail, et puis bah là, tu fais ok, c'est parti. L'étincelle qui. Ouais, voilà, c'est ça. Tu sais pas, j'ai fait. On avait fait un morceau, un coup, c'était trop drôle. On avait fait un morceau dans les loges avec Radical Guru, Panda, Samarinuka, ouais. Qui chantait, nous. J'ai vu qui, tu vois, ils avaient sorti un truc plein de. Après, dans les morceaux, il y a eu des petits bouts de réutilisés à gauche, à droite, qu'on avait réutilisés à Capella dans la botanie. Ouais, puis c'est vraiment de l'univers du dub, tout le monde remixe tout le monde. En fait, il n'y a pas de. Tu sais qu'il y a des genres de musique où c'est très formaté et ça garde, tout le monde garde ses musiques. Et si tu fais un remix ou une réinterprétation, il faut signer les contrats, machin, c'est super, super cadré et froid, quoi. Alors que là, non, il n'y a pas de. Non, c'est vrai qu'on là, a. C'est tout le monde donne tout à tout le monde, quoi. Sauf. Peut-être évidemment, si tu viens de sortir un gros tube, bah, tu ne lâches pas tout de suite les multipistes pour que les autres puissent la mixer, mais ça se fera après quoi. C'est d'ailleurs, il y aura un cadeau à Noël. Ah oui, on a un cadeau aussi à Noël en mode remix. Ouais. Comment ça d'ailleurs ? Ouais. Restez connectés le 25 décembre. Bon bah merci en tout cas les gars pour cette interview. Bah, merci à vous. Quelle grande joie, ma big up avec Campus Montpellier. Et puis propager bien les bonnes ondes de la bonne musique. C'est bien ça. Diffuser ça dans Montpellier partout. Voilà. et c'était donc Tetra Hydroka avec le morceau Imperial Dub à l'instant, morceau issu de leur dernier album Ayahuasca. Un grand merci à Tetra Hydroka pour cette interview et surtout le live de Tetra Hydroka si vous avez l'occasion de les voir, voilà, n'hésitez pas une seconde. Si vous aimez le gros stepper et le gros dub qui tâche, qui part en drum and bass ou autre joyeuseté. C'était leur dernier live avec cet album sur leur tournée. Oui, c'est ce qu'ils nous ont dit, ouais. Mais bon, enfin, tous les lives de Tetra Hydroka doivent être puissants, quoi. C'est vrai que c'est un savant mélange entre le côté bourrin, comme ils disent, de la rave party et le côté musical du saxophone. Ouais, non, vraiment très propre. Puis en bon mélange, le petit Brainless Tetra Hydroka devrait être bien sympa aussi. Et celui-là, il est à écouter, à suivre et à voir si c'est possible. On fera sûrement un point lors de la prochaine émission fin janvier, 28 janvier, il me semble. On remercie du coup l'asso Kamea qui a organisé ça. On fait un big up à Quentin, Quentin qui gérait la soirée et qui n'a pas pu être là suite à un petit incident en Inde avec la petite fumée. On passera sur les détails. Et ouais, aussi un gros big up à l'asso, à Rigar Asso. Ils nous ont bien régalé eux aussi. Merci pour l'accueil, ouais. Voilà, on a eu un accueil assez incroyable à Victoire 2. Et du coup, voilà, un gros big up à Kamea, à Rigar Asso, à Messier, à Travel Sound, à La Petite Fumée et bien sûr à Tetra Hydroka. Ouais, merci à vous pour ces bonnes vibes et ces bons moments. C'était une très bonne soirée. On passe à la suite. Ouais, moi je peux vous faire un petit agenda de ce qu'on peut faire ce prochain mois et un petit peu plus tard. Allez, ça roule. Alors, si vous avez froid, rien ne vaut la chaleur d'une basse. Alors, pour vous réchauffer, on a concocté une petite liste d'événements où aller se canquer. Si vous êtes sur Montpellier, par exemple, le 31, n'hésitez pas à aller fêter la nouvelle année au Meloman Club. En effet, il s'y tiendra la soirée Dub New Year. Pour la modique somme de 5 euros, vous pourrez danser de 23h à 5h du matin devant la sono d'Imperial Mighty Sound et Melo Sound. Si vous êtes un peu plus campagnard, un peu plus extramuros, allez plutôt faire un tour à Pompignan dans le Gard. En effet, la guinguette à Michel organise un réveillon dans la salle des fêtes avec le fameux Balafonique, un one-man band de renom. Vous y retrouvez aussi Natural iDub, que nous avons pu voir il y a un peu plus d'un mois, et qui avait fait l'unanimité autour de cette table, il me semble. Je pense aussi, ouais. Carrément. Alors, très bonne soirée. Ouais. C'était du coup, là, cette soirée, pour le réveillon à Pompignan, vous pourrez également y réserver pour le repas. Hein. J'ai entendu parler de pommes de terre rôties, de vol au vent, et autres mets qui sauront vous mettre en jambes, je pense. Ça s'annonce être sympa entre la nourriture et la musique. Ouais, c'est une soirée, franchement, si vous pouvez y aller, je pense qu'on peut que vous le recommander. Alors, vous pourrez retrouver ces deux événements sur Facebook. Sinon, un petit peu plus tard, le 15 février, au Jam à Montpellier, allez voir et écouter à y être un Philantre pour une release party. En effet, il vient de sortir son nouvel album, enfin, il l'a fini du coup. Il le jouera pour la première fois, l'album du nom de Inu Wali. Comptez 11€ en pré-vente et 14€ sur place. Ensuite, donc là j'ai fini plus ou moins mon agenda, et j'avais envie de vous faire part d'un remix dub de Aux Armes, etc. de Serge Gainsbourg. Bon voilà, le morceau original était lui-même un remake de la Marseillaise. Exactement, qui n'avait pas trop plu. Ouais, il y avait eu pas mal de... Ça fait des histoires. Grosse polémique avec des conservateurs. Avec les paras et tout. Ouais, le fameux concert de Strasbourg. Je sais pas si vous connaissez cette anecdote d'ailleurs. Ouais. Non. Hyper intéressante. Mais du coup, il devait jouer avec son groupe à Strasbourg. Donc avec son groupe de Jamaïcains et tout, qui était venu faire la tournée en France avec lui, parce que c'était super bien passé au niveau de l'enregistrement. Il y avait Sly et Robbie, si je dis pas de bêtises. Et bref, et du coup à Strasbourg, il y a un commando d'extrême droite, tout ça, ancien para, qui débarque dans la salle pour stopper le concert. Et du coup, Gainsbourg, enfin, les musiciens voulaient pas monter sur scène, tu parles, tu débarques, tu fais 8000 km, t'arrives, bon, on t'annonce ça. Du coup, Gainsbourg est monté tout seul sur scène, et il a chanté la Marseillaise, alors pas du tout en version reggae, tout ça, il a chanté a cappella. Et du coup, les paras je sais pas, là j'ai peut-être faudrait se renseigner un peu, mais ils ont une espèce de doctrine en mode dès qu'ils entendent la Marseillaise, ils mettent la main sur le cœur et ils sont obligés de la chanter, tu vois. Et du coup, ils étaient face à Gainsbourg et ils ont chanté la Marseillaise avec lui. Du coup, Gainsbourg a vraiment niqué tout le monde, il est trop fort. Pour la première anecdote, pour la deuxième anecdote, il a vraiment acheté le manuscrit écrit de la main par Rouget de Lille pour la Marseillaise. Okay. Et en fait, dans ce manuscrit, pour éviter de répéter le refrain, Rouget de Lille, il a écrit aux armes, etc. D'où le nom du morceau aux armes, etc. Et donc lui, il dit qu'il a repris mot pour mot le manuscrit de Rouget de Lille, ce qui n'est pas faux. Ok. D'accord. Du coup, le morceau original, il était sorti. Enfin, ce morceau a été sorti en 79. Et du coup, il est sur l'album du même nom, donc aux armes, etc. Et il avait été enregistré à Kingston, en Jamaïque, pour changer. Hein. Les bonnes vibes. Patrimoine culturel. Exactement. Moi j'ai choisi ce morceau là pour ce mois-ci parce que principalement pour la chaleur qu'il dégage et pour que d'autres souvenirs, que ce soit une soirée sans système ou du CD qui tournait souvent à la maison en fond. Je vous laisse écouter ça. Un jour de gloire, contre nous, la tyrannie, l'étendard sans langue. Stop. C'était du coup un remix dub de Aux Armes, etc. de Serge Gainsbourg. Très lourd. Très très lourd. Très très lourd. Du coup, sans trop de transition, il va être l'heure de passer à notre session habituelle. Exactement. Et cette fois-ci, elle va encore être faite par l'équipe, mais pas par l'équipe au complet, puisque c'est un membre, et je parle, oui, bien sûr, de monsieur Cédric, alias Wild Daga Selecta, qui va nous faire péter son petit set. Bah là, ça va être du gros stepper, comme on aime bien. Pour changer. Pour changer. C'est un peu notre signature à Campus Hi-Fi. Allez, c'est parti pour une petite heure de session sur Radio Campus Montpellier. Wild Daga Selecta pour Campus Hi-Fi. Yes, I. Thank you. We'll be right back. Yes, I, c'était Wildaga Selecta pour Campus Hi-Fi sur Radio Campus Montpellier. Bah écoutez, l'émission est quasiment finie. Ouais, elle touche à sa fin, faut bien le croire. Et oui. Oh, il va falloir attendre un mois. Toutes les bonnes choses ont une fin. Bah du coup, la prochaine, ce sera le lundi 28 janvier à 21h en direct, live and direct sur Radio Campus Montpellier. Allez, bah, big up à vous, chers auditeurs. Passez une bonne fin de soirée sur les ondes de Radio Campus Montpellier. Et on se retrouve dans un mois. Big up. Au revoir.